endroit. Si je à l'envers sur ton visage, c'était souvent, trop souvent l'hiver sur ton visage. Souvenir pêle-mêle, visage de dentelle, et puis des lèvres entre guillemets, et puis des lèvres entre guillemets. Promesse à l'endroit, caresse à l'envers sur ton visage. Des heures de peine, travail à la chaîne sur ton visage. Souvenir pêle-mêle, visage de dentelle, et puis des lèvres entre guillemets, et puis des lèvres entre guillemets. Et puis des lèvres.